Une nouvelle vie. Drame à la société Prana le 2 mai 1988. Karine, l'ancienne secrétaire, supposée passer le relais puis s'en aller gracieusement, ne le prend pas si bien finalement. Elle s'est réfugiée dans les WC, pleurant toutes les larmes de son corps, pendant que Jacques, derrière la porte, tente maladroitement de s'expliquer. En désespoir de cause, toilette des femmes oblige, c'est Faustine qu'on envoie à la rescousse. Tant bien que mal, celle-ci ramène Karine à la raison. Allons, voyons, pour les jeunes personnes aux dents longues, les places de travail ne manquent pas. Bien sûr, l'équipe va lui manquer. Ici, on est une bande de jeunes et on rigole. Mais à Paris, une grande carrière l'attend, bien plus intéressante au final que cet exil banlieusard. Karine aura tout fait de trouver un boulot à sa mesure. Et bla. Une heure plus tard, rassérénée, la jeune exclue sèche ses larmes et consent à la passation de pouvoir. Puis se retire, définitivement. Faustine prend possession de son nouveau bureau, constate les dégâts, retrousse ses manches. La tâche qui l'attend est colossale. La jeune Karine était certainement excellente à beaucoup de points de vue, mais en ce qui concerne le classement, tout est à faire. Faustine sort des tiroirs, des strates et sous-strates de documents empilés anarchiquement. Elle se procure classeurs, dossiers à suspendre, matériel de bureau, étagères. Il lui faudra 3 mois pour s'organiser correctement en travaillant plus de 12 heures par jour. C'est une période intense. Faustine adore ce genre de responsabilité. D'autant que dès la première semaine, Jacques l'a augmenté au moins 3 fois. L'unique bémol pour la nouvelle attachée commerciale, c'est que la Prana est installée dans un hangar. Seuls les bureaux de Jacques et Maxime donnant sur la rue sont pourvus de fenêtres. Tous les autres travaillent à la lumière des néons. En hiver, ils ne voient jamais le soleil. Mais quelle importance quand on a enfin le boulot de ses rêves. La Prana est une société spécialisée dans le matériel électronique, les mesureurs de champ, les oscilloscopes. Elle est mandatée en France par une 20aine de sociétés américaines, allemandes et suisses pour promouvoir leurs produits lors de salons, foires ou cours en entreprise. La Prana, c'est également une affaire de famille. Franck, l'aîné, employé chez IBM, place certains appareils. David, le puiné, est principalement responsable des expéditions et des fournitures. Max, le cadet, met au point un mesureur de foudre in situ. Les jours de test sont très mouvementés. Max, perché sur une échelle, tente de faire fonctionner son appareil. Pour pouvoir mesurer la foudre, il faut en fabriquer. Faustine ne sait pas comment il s'y prend, mais c'est vraiment impressionnant. Au signal, tous les employés courent se planquer derrière les portes ou sous leur bureau pour ceux qui en ont un. On attend le boum en se bouchant les oreilles. Quand il ne vient pas, c'est à refaire. Outre la vente et la mise en place des cours, l'élaboration des devis, des factures, l'envoi des brochures, l'inscription des élèves, la location des salles, ce qui représente à soi tout seul 25% de son temps de travail, Faustine est également responsable de l'importation et de la mise sous douane du matériel de démonstration, de la logistique des salons professionnels, ainsi que des colloques inter-entreprises. Elle n'a plus le temps de se morfondre. Il y a des périodes où elle reste aux Ulysses et d'autres où elle part en service commandé. Quand il faut superviser la préparation des salles de cours pour l'apéritif de bienvenue, par exemple, ou aménager un salon. Porte de Versailles, ils sont inscrits à celui d'électronique. Faustine loue un camion pour transporter les équipements depuis les locaux de la Prana et contribue à la décoration du stand. Elle a commandé les présentoirs, les dépliants, les bannières, s'est occupée de tout, depuis la graffeuse jusqu'à la dernière bouteille d'eau. La couleur de son tailleur est assortie à celle du revêtement des appareils de mesure, ainsi qu'à celle de son attaché-case. C'est dire à quel point elle est impliquée. Rapidement, Faustine se rend compte que Claude, son supérieur hiérarchique direct, est un sacré parasite, hâbleur et incompétent. La manière dont il arrive à abuser Jacques au point que celui-ci souhaite le faire entrer dans sa loge maçonnique, reste un mystère pour elle. Peut-être parce que sur le plan humain, c'est un garçon adorable, si on fait abstraction de son haleine pestilentielle. Il doit avoir un problème d'estomac, ce n'est pas possible. C'est au point qu'on ose répondre depuis son téléphone sans l'avoir désinfecté au préalable, tellement ça fouette. Nonobstant ce détail scabreux, et à condition de veiller à l'approvisionnement en cachou afin de conjurer le mal, Faucine s'intègre plutôt bien dans la société. Pendant que son chef se passionne pour ses parties de golf, de varap, ses cours de théâtre et Dieu sait quoi d'autre, il lui fiche une paire royale. En cette fin des années 80, dans leur domaine de prédilection, la crise ne se manifeste pas encore. Personne n'a vraiment besoin de mouiller sa chemise. Ce sont les clients qui téléphonent et se bousculent pour acheter. Depuis son poste, au milieu du hangar, il suffit à Faustine de garder les yeux et les oreilles grand ouverts pour parer aux bourdes les plus épaisses de Claude. Car lorsqu'il souhaite boucler une affaire au plus vite, histoire de retrouver son terrain de golf, il aurait assez tendance à oublier les marges. À elle de se rattraper sur les frais d'emballage, de port et la TVA. Malheureusement pour la jeune femme, tant Jacques que Claude sont d'intarissables bavards. En conséquence, Faustine exige que les réunions de travail aient lieu à proximité de son bureau. Pas question de perdre un temps précieux à écouter ses doux rêveurs sauter du coq à l'âne ad infinitum. Faustine parvient de mieux en mieux à les canaliser à mesure qu'elle prend de l'assurance. Quand elle a besoin de vraies réponses, par exemple, elle remet le sujet sur le tapis jusqu'à ce qu'elle les obtienne. Le boulot comprend également des moments ludiques. Lorsqu'un fournisseur américain débarque, il s'attend à ce que la société organise une soirée en son honneur. Jacques s'y consacre avec une générosité débordante. Les secrétaires, Nathalie et Faustine, sont sommés de choisir la destination, d'effectuer les réservations et de participer dans leurs plus beaux atours. Jacques se dévoue en tant que chauffeur, bien qu'il conduise atrocement vite et qu'on risque sa vie avec lui. Par ailleurs, il alimente les conversations et règle l'addition. Tout ce qu'il demande au fils est d'éviter les parfums, car son tarin hypersensible ne les supporte pas. La première fois, les filles choisissent le Paradis Latin, dont la nouvelle revue est renommée. La suivante, le Café Procope, au lieu de l'Intelligentsia parisienne d'une certaine époque. Une autre fois, ce sera le Moulin Rouge, et enfin, le Lido de Paris, pour son orchestre de jazz hors pair. Faustine profite à fond de l'opportunité d'assister à ces spectacles exceptionnels au moins une fois dans sa vie. La nourriture y est délicieuse, le champagne excellent et la cigarette autorisée. Elle s'arrêtera néanmoins de fumer quelque temps plus tard à la requête de Jacques. À sa demande express, elle fait inviter Maxime au Lido pour qu'il ait l'occasion d'entendre l'orchestre sans devoir payer. De son bureau, Faustine voit tout, entend tout, surtout les interminables conversations de Jacques avec les institutions nationales, la marine, l'armée, la Thompson, etc. Son cœur se serre aux échos de colère et de supplications qui lui parviennent. Chaque fin de mois, son patron chéri s'humilie en tentant de récupérer son dû pour pouvoir payer les salaires. Une fois sur deux, il est obligé de faire passer ses factures en loi d'AI. Un recours qui consiste à revendre les factures à un organisme de recouvrement. Bien entendu, cela ne se fait pas sans une légère amputation du montant originel. Comme on a déjà tiré sur les prix pour obtenir le marché, les marges sont diminuées d'autant. Ce n'est pas si évident de tenir compte de tous les éléments dans les devis. C'est à cette occasion que Faustine constate qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. En réalité, si Jacques parvient à joindre les deux bouts, c'est grâce à un astucieux dispositif déclencheur d'explosifs qu'il fabrique lui-même et revend à l'armée grecque, dans laquelle il a gardé de précieux contacts. Nécessité fait loi. Faustine boit très peu durant toute cette période. Elle n'en ressent pas le besoin. Il arrive cependant, quand la peine est trop grande, le manque de Julien trop vif, qu'elle s'anesthésie pendant une soirée. Mais cela reste une exception. loin des regards indiscrets. Un jour, toute fière, elle déclare à Maxime « Tu vois, je ne rechute plus que tous les 2 mois en ce moment. Il y a du progrès. C'est bien, ma chérie, mais tu devrais tout de même songer à voir une psy. Tu me sembles encore bien fragile. Je ne voudrais pas que tu cours à l'épuisement. » Tu as raison, ce serait dommage. Dès que j'aurai remis le secrétariat en ordre, je prendrai rendez-vous. On m'en a indiqué une dans le village des Ulysses. Lors des vacances, en juillet, Maxime et Faucine sont invités au château des Laclairières, près de Saint-Mexant-l'École. Car le Laclairière, le célèbre musicien de jazz, a 2 mains gauches quand il s'agit de bricolage. Aussi, il apprécie les services de Maxime. En fait, de château, il s'agit d'une bâtisse moyenâgeuse assez mastoc. Par contre, l'intérieur est superbement aménagé grâce aux beaux soins de Julie, la femme de Karl. Pendant que les hommes bricolent, les femmes s'occupent des confitures, en compagnie d'amies toujours brillantes et cultivées, venues en voisine. Alors qu'elle est parfaitement à l'aise en tête-à-tête avec Julie, sitôt qu'apparaît sa cour, Faustine fait un complexe d'infériorité vis-à-vis de ces gens qu'elle imagine tellement plus instruits et haut placés qu'elle. Elle déplore son manque de conversation, en oubliant un peu vite que toutes ces personnes sont bien plus âgées qu'elle. Fin juillet, papa et maman s'invitent à Saint-Rémy. Ils ont lu qu'un musée venait d'être inauguré dans l'ancienne gare d'Orsay. Ils entendent bien le visiter. Malgré la récente ouverture, l'attente à l'entrée est supportable. Faustine passe une journée inoubliable au milieu d'étoiles de maître et de sculptures. Hélas, personne n'est capable de les lui expliquer. Elle rêve d'un compagnon à la fois cultivé et pédagogue. Au mois d'août, comme chaque année, Maxime rejoint ses filles à Cagnes. Jacques, apprenant que Faustine serait seule à Saint-Rémy le jour de son anniversaire, l'invite chez lui. Avec Pierrette, sa femme, ils organisent une jolie fête dans un restaurant chinois, suivi d'une pause farniente chez eux. C'est la première d'une longue série. Rapidement, Jacques et Pierrette deviennent la seconde famille de Faustine. Dès son retour de Provence, Maxime invite Faustine en Toscane. Il doit évaluer le représentant de la société de Vici, qui réside à Milan. Faustine a toujours été attirée par la Toscane. Impression confirmée, d'autant plus que le collègue de Maxime prend la peine de leur présenter ses coins préférés. Pise, mais également Parme, berceau du jambon cru et du parmesan. Ils finiront la journée chez des amis qui ont rénové une bergerie. Là, Faustine succombera au charme d'un limoncello de fabrication artisanale qui l'enverra au tapis après quelques reprises. En septembre, Nelly, ex-infirmière, actuellement secrétaire à la Prana, et Denis, un ami de Max, ingénieur récemment intégré dans la société, décident de se marier. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont la vie devant eux et ils invitent toute la société Prana à assister à leur bonheur à Huisnes-sur-Mer, dans le département de la Manche. Rendez-vous est fixé à la sortie de la mairie, samedi à 14h. Après la cérémonie, on procédera à la distribution des chambres. Grâce à la complicité des villageois, Nelly a pu caser la 50aine d'invités présents. Depuis leur chambre, Maxime et Faustine ont vu sur le Mont-Saint-Michel. Le premier soir, un repas suivi d'un bal est organisé à l'auberge communale. Le lendemain, dimanche, un grand méchui est prévu dans un champ à proximité. Le temps est clément, comme par un fait exprès. Ces deux-là ont décidément toutes les chances. Dans un trou creusé en terre, on a installé le foyer et posé une broche garnie d'un mouton entier. Sur une table, on a disposé du pain et des salades. C'est la première fois que Faustine assiste à un vrai mariage. Pas de fausses notes, pas de nuages sur ce couple qui semble normal à tout point de vue. Une pointe de jalousie s'insère dans le cœur de Faustine, tant il lui est difficile à 32 ans d'admettre que tout cela est terminé pour elle. L'après-midi est déjà bien avancé quand les invités repus et comblés sont conviés à marcher jusqu'au Mont-Saint-Michel avant la marée montante. Maxime et Faustine déclinent. Ils iront une autre fois. S'ils veulent prendre la route de Paris dans de bonnes conditions, il leur faut se reposer avant. Coquin de sort. Sur le chemin de leur chambre, ils tombent dans un piège aussi agréable qu'inattendu. Les vieux du village, attablés à l'ombre d'une tonnelle, elle, le couple qui résiste faiblement à l'appel d'une expérience exceptionnelle. Des alcools, de poires, de prunes, de mirabelles, aux parfums inoubliables. Ça titre au moins les 80, prétendent certains, avec un accent délicieux, pendant que d'autres glosent sur les nouvelles mesures étatiques. 0,8 pour 1000? Comment tu veux faire? Moi, je les dépasse déjà le matin à jeun. Maxime et Faustine rient de bonheur. Après la dégustation, on leur prête un vélo pour rejoindre leur lit à l'autre bout du village. Maxime zigzague tant et plus. Pour une fois, c'est lui qui est cuit. Heureusement qu'il n'y a personne en face.